Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Duo en ce jeudi 21 octobre 2021. Vous êtes bien sur la station stéphanoise, sur Saint-Etienne et Périphérie, les 89.5 sur la bande FM, les www.radioduo.org pour l'écoute en ligne, on stream comme l'on dit, et bien au-delà de nos frontières ligériennes. Rhône-Alpine, Auvergnate également, écoutable de par le monde, bien entendu. Vous reconnaissez sans doute cet indicatif générique, c'est le rendez-vous mensuel du Grémos qui est de retour. C'est la première de cette saison 2021-2022, depuis maintenant plusieurs saisons, collaboration entre Radio Duo et le Grémos, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. Le Grémos qui anime un site alimenté de plein de sources et ressources. Ce sont les www.gremos.fr et le Grémos assure aussi donc depuis plusieurs saisons maintenant une émission sur cette antenne le troisième jeudi de chaque mois. Nous sommes donc le troisième jeudi de ce mois d'octobre, en ce jeudi 21 octobre, et nous allons réaliser cette émission en compagnie de Maurice et Jean-Paul qui sont avec nous. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Lionel, bonjour les amis. Maurice, membre actif du Grémos, Jean-Paul qui est un retour finalement aussi sur cette antenne, membre, je dirais d'honneur entre guillemets, en tout cas tu as été membre actif de cette association durant de longues années et puis désormais tu as quitté la région stéphanoise. Mais tu es de retour, c'était un rendez-vous finalement presque reporté, mais on a l'habitude hein, dans cette période étrange que l'on vit depuis plusieurs mois, de report en report. Un retour ici, toi, en terre stéphanoise, c'était un rendez-vous qui devait être et avoir lieu, hein, c'était l'année dernière lors de la fête du livre de Saint-Étienne, parce que eh bien, tu as assuré la publication d'un ouvrage qui s'intitule « Des exilés dans la Loire, paroles recueillies, paroles accueillantes », paru aux Actes Graphiques, aux éditions Actes Graphiques. Et voilà, de report en report, la fête du livre de Saint-Étienne vient tout juste de se boucler pour cette édition 2021. Mais tu es là encore pour nous parler littérature justement, et en tout cas publication aujourd'hui, et de ce travail de témoignage que tu as collecté. Et donc avec Maurice qui va pouvoir s'entretenir avec toi pour nous présenter précisément cette dernière publication en date de l'année dernière, donc de 2020. On rappelle que cette émission Grémos a lieu donc le troisième jeudi de chaque mois en direct à midi et rediffusée le soir même à 19h et le lendemain à 8h. Et puis très très prochainement, on évoquait le site internet du Grémos, nouvellement d'ailleurs en ligne et en place. Des podcasts bien sûr à retrouver très prochainement de ces émissions réalisées ensemble. Maurice, je te laisse la parole et conduire bien sûr de main de maître comme tu sais le faire cet entretien et cette émission du jour. Et avec le plaisir d'être avec Jean-Paul. Jean-Paul que nous t'avons rencontré à plusieurs reprises vers les années 2017, à l'époque où tu avais travaillé sur ta thèse et où tu en as tiré un ouvrage. Tout cela portant sur l'union départementale CFTC-CFDT dans les années 1944-1988. Alors voilà, autre sujet qui t'a motivé, c'est celui des exilés, celui des migrants. Qu'est-ce qui t'a amené, toi personnellement, à t'intéresser à cette question ? Alors d'abord, je vais dire que je suis très content de revenir sur les antennes de Radio Duo. Alors qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à cette question ? Eh bien, comment dire, une attention au monde, une attention aux personnes. Pour moi, qui est beaucoup... Enfin, je suis friand d'histoire contemporaine et dans cette histoire contemporaine, je m'intéresse beaucoup... au cas des personnes qui sont victimes d'un certain nombre de phénomènes. Et parmi ces personnes-là, il ne faut bien entendu pas oublier la classe ouvrière française ou les chômeurs en France, mais parmi les pauvres actuellement dans le monde, on a ces gens qui sont contraints à partir de chez eux, à s'exiler. C'est pour ça que j'ai choisi le nom d'exilé pour parler de ces personnes-là. Alors, un mot sur le genre littéraire que tu as adopté, c'est un choix. Il s'agit tu as publié In Extinso, une série d'entretiens, exactement avec 27 personnes. 17 sont des migrants, 10 sont des représentants d'associations. Ça, c'est un choix, puisque finalement, l'auteur disparaît un petit peu. Tu parles de ta propre initiative, un peu dans l'introduction et dans la conclusion. Alors, pourquoi ce choix ? Eh bien, parce qu'il s'est dit, Et il se dit encore tellement de choses abominables sur les migrants qui viennent en France. Enfin, voilà, on ne va pas en dire beaucoup plus maintenant, mais c'est une évidence. Et donc, je me suis dit qu'il fallait leur donner la parole. Et leur donner la parole, c'était réaliser des entretiens avec un certain nombre de personnes. C'est ça, ça a été ça mon objet de départ. Et puis après, je me suis rendu compte, mais ça c'était vraiment, leur donner la parole, c'était très important. Que ce soit eux qui parlent et qui disent pourquoi ils viennent, et quel est leur but, et qu'est-ce qu'ils viennent faire. Et, bon. Et puis, la deuxième, je me suis rendu compte que c'était aussi très important de parler des accompagnants, de parler des gens qui les accueillent, de parler de mouvements qui sont très très beaux que j'ai rencontrés parmi ces accompagnants. Voilà. Alors parlons de ces migrants, ils viennent d'horizons géographiques très différents, oui. Et c'est un petit peu ces origines géographiques qui t'ont permis de charpenter la partie concernant les migrants. Oui, et ça c'est un travail qu'on a fait avec la personne de cette maison d'édition qui m'a aidé à charpenter ça. Effectivement, on a classé ces migrants selon leur pays d'origine. C'est-à-dire, pour parler des migrants et en leur donnant la parole, on s'aperçoit que dans les raisons qui président à leur départ, il y a un contexte économique et politique dans certains pays, et puis aussi des raisons qui sont strictement individuelles. Et donc, effectivement, on a réalisé un répertoire géographique en essayant de donner quelques informations qui me semblaient pertinentes sur la situation, par exemple au Congo Kinshasa, ou en Syrie qui est bien connue, ou en Albanie, etc. etc. quoi. Et donc, par exemple, l'ancienne Afrique noire française, l'Afrique de l'Ouest, il y a, dans les différents pays, il y a un contexte qui est vraiment le même partout, quoi. Enfin, plus ou moins semblable partout. Voilà. Et ça permet effectivement de travailler sur cette question aussi. Voilà. Oui. Tu as contextualisé géographiquement ces témoignages et on s'aperçoit qu'il y a pratiquement une constante dans tous ces témoignages, c'est la dangerosité du parcours. Ah ben ça... Alors, il y a... On va dire, alors je ne sais pas comment parler, il y a quand même les gens qui ont pu prendre l'avion et les gens qui sont partis à pied. Ouais. Et ça, ça fait une différence. Mais bien entendu, la dangerosité du parcours est évidente. Les deux jeunes mineurs, il y a deux jeunes mineurs non accompagnés qui sont arrivés de Guinée et du Niger, qui ont traversé le Sahara et qui après ont traversé la Méditerranée. Et dans les deux cas, il a heureusement pour eux qu'un bateau est passé et les a secourus. Parce qu'autrement, ils ne seraient pas arrivés en France. Et donc, cette question est vraiment une question essentielle par rapport à la dangerosité effectivement des parcours. Dangerosité en mer, dangerosité... dans les pays qu'ils traversent, et tu racontes, ils racontent parfaitement bien ce qui se passe par exemple au Maroc. Alors, tu dis ça, et il me semble que celui qui parle essentiellement de ça, c'est le jeune Guinéen qui est passé par le Maroc, mais lui, il a surtout retenu l'accueil détestable des Algériens. Plus que des Marocains. Il en est revenu avec un souvenir très amer de ce qui s'est passé en Algérie, qu'il n'a pas complètement développé d'ailleurs. Peut-être qu'il ne m'a pas tout dit de ce qui s'était passé pour lui en Algérie. Et un autre souvenir parfaitement détestable, c'est une famille syrienne qui est passée par la Guyane française,

que j'aide à apprendre à lire ou à apprendre à écrire. J'ai fait travailler un jeune Guinéen que je n'ai pas interviewé sur cette chanson. Et quand il a, et à un moment où il y a Bernard Lavilliers chante, on est englouti, la mer engloutit notre voix, etc. Il dit, mais moi j'étais dans cette situation. Le Zodiac a coulé. Et heureusement qu'il y avait les gardes-côtes, il y avait les sauveteurs espagnols qui sont venus me chercher parce que je commençais à boire la tasse. Alors tout au long de ces entretiens, transparaît avec une force renouvelée chaque fois les raisons pour lesquelles ces jeunes ont quitté leur pays. Elles sont multiples. Il y en a une, par exemple, qui est celle de fuir la guerre. Il y en a d'autres... Il s'agit de fuir le racisme. Oui, il faut fuir la mafia. Alors, le passage sur la mafia est fort intéressant. Elle est située dans l'Albanie avec une pratique que tu nommes, qui est la pratique du kanoun. Mmh. Et ça serait bien que tu nous l'expliques. Alors, la pratique du kanoun, c'est en fait la pratique de la vendetta. C'est-à-dire que traditionnellement en Albanie, quand dans une famille quelqu'un avait été tué par quelqu'un d'une autre famille, et ben la famille qui avait eu cet assassinat avait le droit d'aller se venger en tuant quelqu'un d'autre dans l'autre famille. Alors, cette pratique du kanoun, elle existe encore dans certaines régions de l'Albanie, elle n'existe peut-être plus dans toute l'Albanie. Mais l'Albanie il y a eu un rapport de l'OFPRA sur l'Albanie qui date de 2011. Dans ce rapport, l'OFPRA notait que vraiment, l'Albanie n'avait pas atteint le stade de la démocratie. En ce qui concerne la protection des enfants, la protection des femmes, ce kanoun-là dans certaines régions. Et en 2019, peut-être parce que certains pays européens souhaitent que l'Albanie rentre dans l'Europe, et accompagnant ce souhait-là, l'OFPRA a décidé de ne plus classer l'Albanie dans les pays dangereux. Parmi les raisons qui sont invoquées, il y a évidemment la recherche de travail. Oui. Et puis derrière, quelque chose de fort intéressant pour un jeune, c'est de dire « je voudrais aller à l'école ». Ah, alors « je voudrais aller à l'école » ou « je ne voudrais pas aller à l'école ». Il y a cette question qui se pose beaucoup, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces jeunes qui sont partis, il y en a un en particulier qui est parti parce que sa mère voulait qu'il aille à l'école et que lui, il ne voyait pas l'intérêt d'aller à l'école. Et ce qu'il voulait, c'est effectivement partir pour trouver du travail. Peut-être Lionel va nous lire un passage de cet entretien. Tu as abandonné l'école, pourquoi ? C'était difficile, je voyais ma maman qui se débrouillait pour nous nourrir, mes frères aussi avaient arrêté l'école, on était tous dans le quartier, des fois on était au football, des fois on était avec ma maman pour l'aider à vendre les petits habits sur le marché de Matoto, c'était juste au bord de la route, c'était pitoyable quoi. Elle vendait des choses qu'elle avait fabriquées ? Non, des habits qui ont déjà été portés en Europe, on appelle ça des doncafeles, en français des portés et revendus. D'après ce que tu me dis, ça ne rapportait pas beaucoup d'argent à ta maman. Non. Et puis, elle devait payer le loyer, elle devait payer l'école pour nous parce qu'on était dans une école privée. Moi, j'avais pas envie d'étudier, j'aimais pas l'école. Tu n'aimais pas l'école ? Même maintenant, je l'aime pas. Et puis, ces jeunes, quand ils sont en France, ils connaissent une autre vie. Ils essayent de surnager comme ils le peuvent. Ils sont affrontés à quel danger et à quelles difficultés ? Alors, d'abord, il y a le danger représenté par les passeurs au passage des frontières, c'est-à-dire qu'il faut payer. Et parfois, bien qu'on ait payé, l'embarcation n'est pas assurée. C'est ce qui se passe pour ce jeune là, à propos duquel on vient de lire un passage. Il est passé du Maroc à l'Espagne et en fait un gros bateau est passé, heureusement pour lui parce que sa petite embarcation était en train de couler. Alors ça c'est un danger. eh bien, ils sont exposés au danger de rester à la rue, ces jeunes. Parce que pour un certain nombre d'entre eux, les l'ASE, c'est-à-dire l'aide départementale à ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés arrivés en France, qui devraient être donnés, est parfois contestée en fait, par les départements. Il est même arrivé, j'ai appris ça dans une réunion hier soir, que les services du Conseil général portent plainte par rapport à une décision d'un juge sur la question de la minorité ou de la majorité d'un jeune non accompagné. Donc il y a cette question-là. Et puis, être dans la rue, c'est terrible, parce que on peut être l'objet de tous les trafics, de toutes les exploitations, voilà. Et là, il faut soutenir le travail des associations, qui est très important. Et puis aussi saluer le soutien apporté par des gens. Alors, si on prend l'exemple de ce jeune, toujours, si on continue avec ce jeune, il arrive avec un copain guinéen à Saint-Étienne. Ils arrivent le 28 janvier 2018 sous la neige. Une neige terrible, ils n'avaient jamais vu la neige, ils sont complètement perdus, ils ne savent pas où aller. Et il y a une dame qui s'aperçoit que ces deux jeunes ont l'air perdus et qui leur parle. Et dans sa première réaction, c'est de les emmener à la police. Où ils se font engueuler, mais très fort, parce qu'ils n'avaient pas le droit, on leur dit qu'ils n'avaient pas le droit de venir à Saint-Étienne. La police les fait dormir dans un foyer, le lendemain matin, nouvelle engueulade. Et ils se disent, mais c'est pas possible, cette ville où on voulait venir, parce qu'il y avait eu Pascal Feinduno qui avait joué au foot, et ben il faut qu'on parte. Et heureusement, avant de partir, ils retéléphonent à cette dame qui leur dit, non, il ne faut pas partir, je vais vous envoyer quelqu'un qui s'occupera de vous. Et la personne que cette dame qui vient les rencontrer, c'est un jeune homme qui vit qui vit dans une maison avec d'autres jeunes, et il y a quatre jeunes qui vont accepter de prendre ces deux jeunes chez eux et qui vont les garder. Et actuellement, ça se passe en février 2018, les jeunes vont les accepter, les jeunes vont aller devant le conseil départemental, et le petit gars là que j'appelle Ismaël dit, moi j'ai dit devant le conseil départemental, on a trouvé une famille maintenant, on ne veut pas aller dans un hôtel. Et il est toujours chez ces jeunes. Chez ces jeunes qui jouent un rôle éducatif, de protection et justement qui l'ont mis à l'école, lui aussi. Alors derrière tout ce que tu nous racontes, il y a aussi la question de l'administration qui estime que les mineurs, isolés qui plus est, ont droit à un traitement d'autorité en somme, de secours. Ont droit à un traitement de secours, comme tous les mineurs, comme tous les mineurs. Mais parfois les départements s'en sortent en contestant le fait qu'ils soient mineurs. Alors, il y a ceux qui n'ont pas de permis de séjour, il y a ceux qui obtiennent un permis de séjour. Oui. Et on a là toute une histoire qui est longue après le dépôt de la demande. Oui. Est-ce que, à travers les témoignages que tu as reçus, tu peux nous illustrer cet itinéraire qui conduit soit à l'acceptation, soit au refus? Eh bien, quand on arrive, on doit présenter, en fait, un mémoire, mettons, sur les raisons qui ont poussé une personne à partir de chez elle. Et ça, c'est un premier travail des associations, quand elles rencontrent ces personnes-là, de les aider à produire ce rapport. Et la rencontre souvent d'un avocat qui connaît bien les manières de remplir le dossier. Tout à fait. Voilà. Il y a les associations stéphanoises, par exemple, ont un avocat qui suit très régulièrement. Voilà. Et alors, il faut dire qu'ils sont dublinés. Et ça va compter beaucoup dans la suite du dossier. Alors, il faut parler de ce que c'est que le dublinage. C'est le fait que, pour un jeune, si, théoriquement, il passe par l'Espagne, qu'il donne ses papiers en Espagne, avant de venir en France, il est dubliné. C'est-à-dire que la France pourra ne pas l'accepter et le renvoyer en Espagne, à condition que l'Espagne accepte de le recevoir. Alors, ça élargit, ça allonge les procédures. Donc, c'est une des raisons ou un des facteurs qui allonge les procédures. Souvent aussi, il arrive que l'OFPRA ne réponde pas rapidement. Il y a eu un cas là de, pourtant qui n'aurait pas dû poser problème, un cas d'un Afghan qui était policier et qui avait été victime d'un attentat des talibans. Alors ça remonte aux années 2015, hein, avant que les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan. Et cet Afghan, il est arrivé en France et en fait, il est passé devant l'OFPRA et pour une raison très étrange, l'OFPRA ne l'a pas accepté, alors que normalement les Afghans étaient systématiquement, enfin pas toujours, mais étaient presque systématiquement acceptés. Et il a fallu, alors il y a eu appel devant la CNDA et cet appel a été, et la réponse est arrivée seulement dans l'année 2021. La personne qui l'avait suivi tout ce temps m'a envoyé un courrier pour me dire qu'enfin il avait le droit de rester en France. Et puis, plusieurs témoignages en portent la trace. Il y a un traducteur qui permet de retranscrire l'itinéraire du jeune. Sauf que, est-ce que la traduction est de qualité ? Alors, des fois, certains témoins, et c'est le cas de la personne qui suivait cet Afghan dont je viens de parler, et m'a dit, j'avais l'impression que ce traducteur, il disait pas ce qu'il voulait dire. Et bon, ça, alors c'est une question compliquée, ça, mais voilà. Donc, en bout de course, on reçoit un récépissé. Oui. Ou on est refoulé. Alors refoulé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rester en France. Mais parmi ces gens sans le droit de rester en France, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont en France. À l'époque du président Macron, on n'est plus à l'époque du président Sarkozy. C'est-à-dire que on ne facilite pas l'accueil en France, mais on ne fait pas la chasse comme ça a pu se faire au moment de Sarkozy pour prendre des gens dans la rue et essayer de les refouler dans la foulée, si j'ai envie de dire. Il y a plus de sécurité, mais en même temps, quand on a été refoulé, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de travailler. Ça veut dire que c'est extrêmement difficile de trouver un logement. Ça veut dire que si on n'a pas de logement, pas le droit de travailler, comment faire pour vivre ? Alors là encore, il y a le rôle des associations, mais je vois à La Rochelle, on sait très bien qu'on n'arrive pas à répondre à tous les besoins qui sont exprimés par des gens qui viennent nous voir. Nouvelle pause musicale, allons-y. Jean-Paul, avec un choix qui t'appartient, celui d'une chanson d'Alain Souchon. Voilà, c'est déjà ça s'appelle. Je sais bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh oh oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air. C'est déjà ça. Quand je danse en marchant, danser j'ai là-bas. Ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique, soudain mon soudain, pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon soudain, suite la parole échangée, on te casse les dents. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps est morphine. Je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Nous sommes avec Jean-Paul Benthière pour son livre « Des exilés dans la Loire, paroles recueillies, paroles accueillantes ». Alors, précisément, parlons maintenant des paroles accueillantes. C'est le deuxième versant de ton ouvrage. Et ce magnifique morceau d'Alain Souchon me fait penser à ce que des accueillants racontent. Au début, il était dans sa chambre, on ne le voyait plus. Et on l'imagine comme le Soudanais dont nous parlait Alain Souchon. Qui rêve. Alors, juste une chose à propos de cette chanson. C'est une ancienne chanson d'Alain Souchon qui parle du Soudan. Et le Soudan a connu pendant peut-être bien 20 années... mes chiffres ne sont pas précis, une dictature militaire d'un général qui s'appelait le général Omar El-Béchir. Et il y a eu ces dernières années un soulèvement qui a abouti à un partage du pouvoir au Soudan entre l'armée et des civils. Alors, je ne sais pas si ça a complètement réglé la question de ce qui se passe au Soudan, on n'est pas sûr du tout. Mais il y a eu un soulèvement au Soudan. Voilà, alors... Le rêve. Le rêve, le rêve. Quel rêve? Alors je crois qu'il y a eu un, je crois qu'il y a, il y a aussi un rêve d'Europe. En Afrique noire, par exemple. Il y a un rêve d'Europe. Il y a sûrement aussi, pour ces migrants, des rêves d'Afrique qui existent encore. Et en même temps, ce qui est frappant, c'est qu'il y en a très peu qui veulent rentrer chez eux. Par exemple, le jeune homme dont je parlais, je lui pose la question, est-ce que tu vas rentrer? Et il me dit, non, maintenant je suis là, et là c'est mon pays. J'y retournerai peut-être dans longtemps, mais là maintenant, je veux... Ça maintenant, c'est là que je veux vivre. Une autre anecdote, à La Rochelle, j'ai vu venir un monsieur de 50 ans, un Ivoirien, qui avait quitté la Côte d'Ivoire suite au retour des affaires d'Ouattara, là, qui s'est présenté aux dernières élections alors qu'il n'avait pas le droit de le faire théoriquement, et qui a craint qu'il y ait à nouveau un conflit en Côte d'Ivoire, et qui est venu en France. Et ce monsieur, il a 50 ans. Il avait une petite boîte d'informatique en Côte d'Ivoire, mais que lui proposer. Et à la fin de cet entretien, je dis à la personne qui guidait l'entretien, mais on peut vraiment lui proposer quelque chose, ça ne serait pas le mieux qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, dans mon expérience, je crois que j'ai vu une personne retourner en Afrique. Mais quand ils ont fait ce voyage-là, ils veulent absolument réussir en France, même si c'est très difficile. Donc il y a bien ce rêve aussi de réussite qui passe par le logement, trouver du travail, etc. Mais tout ça, c'est très compliqué. Puisque tous ces gens qui n'ont pas eu le droit de séjour, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc la seule solution, c'est de faire du travail au noir. Et les associations n'ont théoriquement pas le droit de leur dire de travailler au noir. Mais on sait bien que ça peut être un moyen de trouver du travail. Donc, oui, pardon. Alors, les entretiens que tu as réalisés nous permettent un petit peu de mieux approcher qui sont ces personnes qui ont ouvert leurs portes. Et finalement, ce sont beaucoup de jeunes. Oui, il y a aussi des très anciens. Et oui. Je peux parler d'un homme que j'ai rencontré, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gilbert Belgrano, qui habite à ces lieux, qui est un homme qui a pas loin de 80 ans maintenant. Et c'est lui qui est à l'origine du comité qui s'est créé de Jarret Solidarité. Mais aussi, je veux dire, partout dans les autres réseaux de soutien et d'accueil, il y a des jeunes et des vieux. Alors, il y a un cas tout à fait admirable chez des jeunes dont je parlais tout à l'heure. Ces jeunes qui étaient en colocation là et qui ont accueilli chez eux deux mineurs non accompagnés qui sont voilà. Et le jeune dont je parlais tout à l'heure, il est toujours avec eux et ils ont joué à la fois le rôle de grand frère mais aussi le rôle de parent avec eux. Par exemple, ils ont insisté sur l'importance de l'école pour ce gars-là qui ne voulait plus aller à l'école là-bas en Guinée. Et alors, dans les questions que tu leur poses, il y en a une qui revient assez souvent. Quelles sont les raisons personnelles qui vous ont guidé et qui vous ont poussé à ouvrir la porte? Alors, quelqu'un m'a dit, eh bien, des fois, c'est des collègues. Quelqu'un qui est un des dirigeants de l'association sur Saint-Étienne qui s'appelle Yves Canu. Il m'a dit, et il était, c'était un ancien instit, hein, il m'a dit, ben, il y a des collègues qui voyaient que certains élèves de leur classe étaient dans des familles qui risquaient d'être expulsés et qui sont rentrés dans l'accueil. Mais je pense, alors je ne doute pas qu'il y ait des cas comme ça, mais justement, par Gilbert Belgrano, j'ai essayé de savoir comment est-ce qu'il y avait eu un avant. Et au début, il me dit non, j'avais envie de faire ça comme ça. Et après, dans l'entretien, on s'aperçoit que ses parents avaient caché des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a aussi, à mon avis, une sensibilisation politique qui a pu commencer dès l'enfance. Et alors, je reviens sur cette colocation. Il y a quatre membres dans cette colocation, et ces quatre personnes sont tous des adhérents des jeunesses communistes à Saint-Étienne. Voilà. Et c'est quelque chose que l'un d'entre eux a mis en avant. Peut-être qu'ils n'ont pas tous le même degré de militantisme, mais ils l'ont mis en avant, ça. Et puis, il y a aussi parfois quelque chose de l'ordre de la générosité. Je discutais avec Jacques Laforgue hier soir qui me disait, mais moi je suis sûr qu'il y a des gens de droite qui à un certain moment peuvent se laisser aller aussi à cette hospitalité, à aider quelqu'un qui est en souffrance, qui est en difficulté. Voilà. Donc, c'est pas complètement fermé, mais il y a quand même, je pense, une sensibilisation politique ou sociale ou fraternelle ou chrétienne ou ce qu'on veut qui fait ou que communiste puisque ces jeunes communiste, étaient des jeunes communistes, bien sûr, bien sûr, qui fait que on va accepter de prendre quelqu'un chez soi, on va accepter d'essayer de l'aider à trouver du travail, on va financer des logements. C'est alors ça. Un investissement personnel qui bouleverse complètement les rythmes de vie, qui bouleverse le partage de l'appartement, etc. Mais aussi, une autre manière d'incarner cette solidarité passe par les associations. Alors, tu as rencontré, disons, beaucoup d'associations. Oui, Alors, beaucoup d'associations. Donc, actuellement, là, je suis, j'ai adhéré à l'association rochelaise là, qui existe, qui n'est pas organisée comme à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, on a une organisation à partir du local, en fait, oui. À partir des quartiers ou bien des communes de l'agglomération. Et à La Rochelle, ils ont choisi de faire une seule association. Alors, j'ai connu, oui, un certain nombre de dirigeants d'associations. Il faut dire que pendant le temps où j'ai écrit le livre, je n'étais pas militant, parce que le livre m'a pris beaucoup de temps de travail, et pendant ces 2 ans, j'ai vraiment consacré beaucoup de temps à l'écriture, et sans participer vraiment à cet accueil, quoi. Mais depuis que je suis à La Rochelle, effectivement, je suis rentré dans cette association dont je parle, et où je fais un travail... Donc, résumons, leur préoccupation, c'est de loger, de nourrir, d'aider, de favoriser l'école. D'aider à faire un dossier permettant d'avoir le droit de rester en France. Il y a un autre axe, c'est celui de l'action politique par des manifestations, par des squats, par des articles de presse. Oui. Raconte-nous. Eh ben, c'est la, voilà, on a formulé ensemble les buts des associations. Et le troisième but, effectivement, c'est celui-ci. C'est qu'il faut, faire connaître les exils. Il faut faire connaître la situation très difficile que vivent certaines personnes. Il faut essayer d'influencer l'opinion. Pour favoriser l'accueil, pour favoriser le passage au travail, pour participer à des financements de logements, etc., etc. Et tu racontes que même on interpelle le président à l'occasion, le président Chirac. Ah ben oui. Alors, je me souviens plus de ça exactement. Alors, pour Marina Condé. Ah oui. D'accord. Donc ça remonte oui. À loin. Voilà. C'est donc quelqu'un qui vivait à Saint-Étienne, mais alors ça remonte à l'époque de Chirac, effectivement. Et il avait été question d'exiler ses petits-enfants, je crois, qui. Et il y a eu un vent d'émotion et de manifestation à Saint-Étienne, avec appel à Lucien de Wirth, avec montée à Paris de... Ah, je ne vais plus retrouver le nom de la personne en question, de Violette Maurice, qui est une ancienne résistante stéphanoise, et qui sont allées obtenir du président Chirac qu'il annule ça. Je peux citer un autre exemple qui est rigolo. C'est l'exemple d'un jeune homme qui vivait à Givors. Ce jeune homme, il a été envoyé au lycée de Givors où il a brillamment réussi ses études. Il faisait un stage dans une usine où il était très apprécié. Et puis, il faisait de la boxe. Et il était très apprécié parmi les boxeurs. Et à certains moments, il a gagné un tournoi de boxe qui lui permettait de partir à l'étranger. Mais partir à l'étranger sans avoir le droit de rentrer en France, c'était très dangereux. Et il y a eu une mobilisation générale, enfin générale, n'exagérons pas, mais des boxeurs, des ouvriers de l'usine où ils faisaient des stages, des dirigeants de l'entreprise, des profs du lycée où il avait fait ses études, qui lui a permis d'obtenir du préfet du Rhône l'autorisation de rester en France. Alors, bien au-delà de l'accueil, qui est fondamental, on l'a bien compris, tu offres des pistes parfois assez audacieuses. Allez, on va terminer là-dessus. Tu parles par exemple de la régularisation de tous les migrants. Alors, il y a eu une pétition l'année dernière. Une pétition avec des gens comme... voilà, je ne vais pas citer les gens, mais cette pétition a été envoyée au président Macron en disant « Vous savez très bien qu'il y a 300 000 en France parmi les migrants qui n'ont pas le droit d'y rester, qui ne seront pas renvoyés chez eux, parce que ces gens ont des enfants qui sont français, ces gens ont des conjoints qui sont français, et ces gens-là, pourquoi vous ne les régularisez pas ?» Alors, ça, c'est un premier point. Et ces gens-là, dans la pétition, disaient « Par contre, peut-être qu'il faut être plus strict sur les admissions. » Alors, je sais pas, moi, j'ai envie de dire que c'est un, C'est un devoir d'accueillir tous ces gens qui viennent en France. Tu envisages aussi la liberté de circulation? Ben oui, il faudrait, parce que justement, la liberté de circulation permettrait peut-être à certains de rentrer au pays ou bien de circuler. Et tu envisages aussi l'aide aux pays pauvres? C'est une nécessité. Bien sûr. C'est une nécessité. Cette aide aux pays pauvres, ses crédits ont baissé dans le temps et elle est complètement insuffisante pour permettre à un pays, par exemple comme la Guinée, qui est un pays riche de sa bauxite, qui pourrait être riche de son agriculture, de se développer. Et je pense que si on rajoute le problème que va poser le changement climatique, il est évident que les pays riches vont être appelés à aider plus les pays pauvres si on veut empêcher que des flux de migrants arrivent en Europe, par exemple, à cause du réchauffement climatique. Que de choses encore à évoquer, mon pauvre Jean-Paul. Je pense à ces petits ouvrages qui, pour les enfants, les mettent dans des situations extraordinaires. Un Français, une famille française qui va se réfugier en Égypte parce qu'on ne peut plus vivre en France et qui est accueilli par les Égyptiens. Ah bon. À toi, mon cher Lionel. Oui, juste peut-être pour terminer, on peut saluer ce travail de Jean-Paul Benthière dans cet ouvrage « Des exilés dans la Loire, paroles recueillies, paroles accueillantes ». Dans ces paroles accueillantes, il y a en effet un travail de recensement finalement aussi dans ton ouvrage avec un glossaire qui recense et collecte et référence l'ensemble des associations qui militent sur ces questions et sur la dernière intervention de Maurice qui portait sur l'aspect peut-être davantage politique. Il y a effectivement cette postface aussi dans ton ouvrage où il est question de cette question, accueillir dignement les migrants, est-ce faire de la politique ? Et tu évoques les associations et expériences locales telles le collectif pour que personne ne dorme à la rue, et puis l'expérience nationale des états généraux des migrations qui interroge, bien sûr, questionne et apporte réflexion sur ces points. Ça permet, juste pour terminer cette émission, de faire une sorte de petit agenda, là aussi, petit travail de collectage des rendez-vous à venir. On peut évoquer l'association Solidarité Rome aussi, par exemple, à Saint-Étienne, référencée également dans ton ouvrage, où la question se pose toujours de l'accueil de ces Roms qui occupent toujours l'espace public, et notamment, on le sait, à Saint-Étienne, le tunnel du parc Couriau, et l'association a alerté à nouveau sur cette situation il y a peu, puisque le tribunal a ordonné l'expulsion de ces personnes, avec donc toujours une situation très critique concernant particulièrement la population rome à Saint-Étienne. C'est le cas pour le collectif Pour que personne ne dorme à la rue aussi, qui a alerté à nouveau des grandes difficultés d'accueil et de prise en charge localement à Saint-Étienne il y a peu, c'était en cette rentrée 2021. Il en est de même pour une autre structure référencée également dans ton ouvrage, c'est la Maison Solidaire, qui à nouveau, là aussi, a alerté sur une situation délicate, avec une situation délicate et inédite, surtout pour la Maison Solidaire, qui, on le rappelle, depuis le début de cette année, a rencontré 142 jeunes avec un refus de prise en charge de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire, avec toujours cette difficulté financière et notamment un appel qui, pour le coup, est lancé pour venir soutenir cette Maison Solidaire et ses initiatives, avec, on l'espère, la possibilité de pouvoir pérenniser ses actions de solidarité et d'accueil. En tout cas, l'association se donne jusqu'à la fin de cet exercice 2021 et donc jusqu'à décembre pour eh bien précisément clore cet exercice et de voir l'évolution possible ou non en termes d'activité et de dépenses, bien entendu, qu'engage la Maison Solidaire pour l'ensemble de ses actions. En tout cas, un appel à don est lancé. Vous pouvez intervenir par virement bancaire, par chèque ou encore par don en ligne. En recherchant la Maison Solidaire sur le net et les réseaux sociaux, en l'occurrence, vous retrouverez l'ensemble de ces informations. On va juste terminer avec un événement qui est tout à fait dans cette thématique, que nous travaillons avec le Grémos, en étroite collaboration aussi avec le réseau Trace en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui travaille sur l'histoire, la mémoire et l'actualité des migrations dans la région, qui organise une biennale régulièrement et qui notamment a lancé un événement durant cet automne 2021. C'est l'événement Rencontre cinéma et migration intitulé Images migrantes. Donc c'est l'occasion de nombreuses projections projection, de nombreux films, de nombreuses rencontres, débats dans le cadre de cet événement qui est essentiellement lyonnais ou en périphérie lyonnaise, mais qui va se dérouler jusqu'à la fin de ce mois d'octobre, jusqu'au 31 octobre. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller consulter le site trace-migration.org pour avoir l'ensemble de la programmation prévue dans ce cadre-là. Mais cela m'amène à finalement aussi... présenter la déclinaison locale qui va se dérouler dans ce cadre-là, puisque en décembre prochain, eh bien, Trace proposera cet événement dans la Loire. Ce sera le premier week-end de décembre, les 3, 4 et 5 décembre prochains, à Saint-Étienne, sur l'Amicale Laïque Tardie essentiellement, mais aussi sur le cinéma Méliès pour la soirée d'ouverture qui portera sur le thème genre et migration en collaboration avec le festival Face à Face, donc qui se déroulera en même temps que ce festival donc lyonnais pour l'heure, mais stéphanois pour décembre prochain. Ce sera le 3 décembre au Méliès à Saint-Étienne, et puis cela va se poursuivre le samedi et dimanche à l'Amicale Laïque de Tardie avec le projet Rue des Kebabs mené par la sociologue Catherine Gauthier, membre du Grémos précisément, une après-midi autour des mineurs isolés comme thématique principale. La question du logement également qui sera à l'ordre du jour au travers à nouveau de projections, hein, c'est l'essentiel de cet événement bien entendu. Et puis le dimanche encore avec là les thématiques suivantes, psychiatrie et migration, accès aux droits des exilés et le droit des étrangers de façon plus générale, qui seront abordées au travers de rencontres, de projections et donc de différentes associations à nouveau, hein, qui sont partenaires de l'événement et qui interviendront sur ces points. Voilà pour Images Migrantes à Saint-Étienne. On peut évoquer, toujours dans le cadre de cet événement lyonnais-là, mais SOS Méditerranée aussi, que tu, bien sûr, cites dans ton ouvrage, Jean-Paul, une association, on va dire, européenne, hein, qui intervient sur la question des naufrages à répétition en Méditerranée centrale et qui se poursuivent bien malheureusement. Une association européenne présente en Allemagne, en Italie, en Suisse, en France, avec là aussi des antennes locales qui se sont créées, et c'est le cas à Saint-Étienne, qui proposait, il n'y a pas très longtemps, une exposition. Elle vient tout juste de se terminer, hein. C'était durant ce mois de fin septembre, début octobre, à l'Amicale Laïque Tardie, l'exposition intitulée « Éclaireuse d'humanité ». Il s'agit là de parcours de femmes en Méditerranée. Et cette exposition, simplement, là, continue de sillonner un petit peu le territoire. Et elle est présente à Lyon, aux Places des Terreaux, au 1 Place des Terreaux précisément. Une exposition qui est visible jusqu'au 24 octobre prochain. Donc c'est jusqu'à ce week-end pour voir cette exposition qui tourne un peu partout en France actuellement et qui était visible à Saint-Étienne il y a très peu. Et puis, on parle d'images migrantes. Bah, finalement, ce sera encore le cas très prochainement, puisque le Château de Goutelas, qui est aussi un lieu, espace très associé aux événements en région sur ces questions, eh bien, proposera un week-end autour de l'hospitalité. Regard sur l'hospitalité, ce seront du 25 au 28 novembre prochain au Château de Goutelas, donc c'est dans la plaine du Forêt à Goutelas précisément, et au cinéma L'Entracte à Boin-sur-Lignon également. Là aussi, avec bon nombre d'acteurs locaux, le réseau Trace, les associations d'aide aux migrants de la Loire, mais aussi le Grand Luxe à Saint-Étienne qui va proposer quelques films inédits et rares pour évoquer cette question de d'émigration, de l'hospitalité et de leurs imaginaires associés en quelque sorte. Voilà, un grand week-end en perspective. Fin novembre prochain, vous pouvez d'ores et déjà noter le rendez-vous. Et bien voilà pour... cet agenda assez fourni, Maurice et Jean-Paul, peut-être simplement un autre partenaire local, et parce que c'est un rendez-vous du jour, Maurice, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'Institut du Travail à Saint-Étienne qui propose régulièrement des conférences et rencontres. Eh bien, c'est le cas pour ce jour, ce jeudi 21 octobre à 18h. Attention si vous suivez les rediffusions. C'est une conférence de Sophie Bérou qui est attendue, avec pour thématique, là aussi ça va parler à Jean-Paul forcément, s'adapter au salariat et faire confédération, les débats sur la syndicalisation et la structuration à la CGT des années 1980 aux années 2000. Voilà pour cette intervention de ce jour, Sophie Bérou, qui a co-dirigé un ouvrage sur ce point et qui proposera donc une synthèse des principaux enseignements d'un colloque qui s'est tenu également sur cette question et donc de l'ouvrage précisément cité. Voilà, c'est ce soir, c'est à 18h, c'est à l'amphi J01, site Tréfilerie de l'université Jean Monnet. C'en est tout pour cette émission du jour. On se retrouve le mois prochain, Maurice et Jean-Paul. Grand rendez-vous du Grémo, c'est l'Assemblée Générale qui aura lieu ce vendredi 22 octobre et qui va laisser augurer là aussi de belles actions en perspective. Des émissions de radio, certes, mais aussi des rencontres d'histoire ouvrière qui devraient se tenir encore prochainement et d'autres points à l'ordre du jour. On vous renvoie toujours sur le site dédié du Grémo, on le rappelle, grémos.fr. Vous avez toutes les infos en détail sur les activités de l'association. Et on va terminer en musique. À nouveau, aller en guise de générique de fin, parce que là aussi, dans cet ouvrage de Jean-Paul Benthière, il y a un petit glossaire, si j'ose dire, ou en tout cas des chansons référencées, hein, qui peuvent aussi illustrer ces questions. Et parmi elles, eh bien, figure Tikkun Jaffa Coli avec ce titre « Ouvrez les frontières », qu'on va se faire le plaisir d'écouter en générique de fin. Merci Jean-Paul, merci Maurice. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine émission de Grémos. Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout, peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager. Travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits. En revant très vite sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol. Ah, non, non, non. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. On se prépare au voyage et on se jette dans l'eau vive.